بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur aux fraudeurs, qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, mais qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent une perte. De tels hommes ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où tous les hommes se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Non, en vérité, le registre des débauchés se trouve dans le Sijin. Et qui te dira ce qu'est le Sijin? C'est un livre déjà achevé. Malheur ce jour-là au négateur, qui démente le jour de la rétribution. Or ne le dément que tout transgresseur, pécheur, qui lorsqu'on lui récite nos signes dit « Ce sont les jambes des anciens ». Qu'ils prennent garde, leurs cœurs sont plutôt entachés par ce qu'ils acquerraient. Qu'ils prennent garde, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ils seront certainement exposés ensuite à la fournaise, et on leur dira « Voilà ce que vous traitiez de mensonge. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Qu'ils prennent garde. En vérité, le registre des vertueux se trouve dans l'île Yun. Et qui te dira ce qu'est l'île Yun? C'est un livre déjà cacheté. Que verront les rapprochés de Dieu? Les vertueux sont certes dans un délice, sur les divans, promenant leurs regards, et sur leurs visages, tu reconnaîtras l'éclat de la félicité. Ils sont imbreuvés d'un nectar pur et cacheté, laissant un arrière-goût de musc, que ceux mus par le désir le convoitent. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, une source à laquelle boiront ceux qui sont proches de Dieu. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا Certes, les criminels se moquaient de ceux qui croyaient. Lorsqu'ils passaient près d'eux, ils échangeaient des clins d'œil. Lorsqu'ils revenaient dans leur famille, ils en riaient. Et lorsqu'ils les apercevaient, ils disaient « Les voilà, les égarés ». Or, ils n'avaient pas été envoyés pour être leurs gardiens. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Aujourd'hui, ceux qui ont cru rient des négateurs. Sur des divans, ils promènent leurs regards. Les négateurs ne sont-ils pas rétribués pour ce qu'ils faisaient?